assis sur ma charrette, une guitare entre les mains, j'avais le blues en tête et plus envie de Le soleil tapait si fort, les bras tendus vers moi, oui, je l'entends encore. Me dire viens, viens, prends ma main, viens, je t'emmène visiter les étoiles, on sera bien tous les deux couchés dans le foin. Elle était là devant moi, oh, oh, oh, oh, je n'en revenais pas, oh, oh, oh, oh, pas de penser qu'elle était déjà loin, je posais ma guitare pour la rattraper, à la voyant s'allonger dans le foin, je criais encore une fois qu'elle me dirait, allez, viens, viens, prends ma main, viens, je t'emmène visiter les étoiles, on sera bien tous les deux couchés dans le foin, viens, viens, prends ma main. Que beauté, oh, oh, oh, oh. Il y avait là le soleil et la lune qui entouraient son cœur pour la réchauffer. Mais des étoiles, je n'en ai vu aucune et sa voix ne cessait de m'appeler en disant viens, viens, prends ma main, viens, je t'emmène visiter les étoiles. On sera bien tous les deux couchés dans le foin. Viens, viens, prends ma main, viens, je t'emmène visiter les étoiles. On sera bien tous les deux couchés dans le foin. Fini par céder, oh, oh, oh, oh. J'étais bien trop tenté, oh, oh, oh, oh. J'ai finalement rien à regretter, car c'est au fond de ses yeux j'ai retrouvé les belles étoiles qu'elle me promettait, qui brillaient plus fort pour m'envoûter. Alors viens, viens, prends ma main, viens, je t'emmène visiter les étoiles, on sera bien tous les deux couchés dans le foin. Les étoiles, on sera bien tous les deux couchés dans le foin.